En Corée, on s'efforce pour l'administration urbaine. La ville de Kaesong a réménagé à merveille, dans un court laps de temps, une centaine de maisons d'habitation aux toits de tuiles à la coréenne et des clôtures à rayures de briques. Les maisons aux toits de tuiles de l'hôtel folklorique de Kaesong, les restaurants à plats nationaux et les magasins ont changé d'aspect de façon à mettre en valeur les caractéristiques nationales. Par ailleurs, pendant le premier semestre, les travailleurs de la ville de Kangé de la province du Tagan ont réparé des centaines d'habitations et établissements publics, réaménagé des routes et cours d'eau de plusieurs kilomètres, des jardins, parcs, espaces verts et parterres. Ainsi, la ville a fait peau neuve.